juste le constat. Et vous prierez de croire que comme tout le monde je ne vois que ce que l'on veut bien me faire voir. Inverse.